Les chasseurs de nazis. Chapitre 6. La méthode Klarsfeld. Troisième épisode. TF1, février 1972, le journaliste Ladislas de Hoyos est à La Paz, dans la capitale bolivienne, sur les traces de Klaus Barbie. Une femme, une jeune Allemande, Madame Klarsfeld, a relancé la chasse contre Klaus Barbie. Jusqu'en Bolivie, pourquoi ? Je sais toujours dans toutes mes actions, la chasse des criminels nazis et les protestations contre l'antisémitisme dans le pays de l'Est, je sais toujours dans toutes ces actions de réhabiliter moralement le peuple allemand. Parce que j'ai un très fort sentiment national allemand et c'est pour ça que je m'oppose fortement à ces gens comme Barbie qui ont sali le nom de l'Allemagne. Je suis venu ici avec les documents que j'ai reçus du procureur de Munich, d'ailleurs quelques jours avant mon départ, et je suis venu pour les montrer aux autorités boliviennes pour qu'ils puissent rendre compte. Et comme vous dites, Altman et Barbie sont bien la même personne. Barbie n'était pas dans les criminels nazis qui avaient organisé la solution finale, parce qu'il avait quitté l'Allemagne et qu'il s'était retrouvé en Amérique du Sud. On ne savait pas qu'il était en Amérique du Sud. Avant qu'on le retrouve, tout juste, Wiesenthal le situait en Égypte. Alors, Serge Klarsfeld. Nous l'avons retrouvé en Amérique du Sud parce que la justice allemande, lorsqu'on a commencé notre action en 71, a considéré certainement qu'il fallait prendre une décision judiciaire qui permettait d'interrompre l'action que nous menions, c'est-à-dire que Klaus Barbie, à Munich, un jeune procureur, lui a accordé un non-lieu pour une vieille plainte qui avait été portée 20 ans plus tôt. Et le non-lieu était basé sur le fait qu'on ne pouvait pas prouver la connaissance subjective que Barbie avait du sort des Juifs et même des enfants qu'il envoyait à Auschwitz. Ancien chef de la Gestapo de Lyon, il a ordonné la déportation vers les camps de la mort de 115 000 Français, des trains entiers de Juifs et de résistants. Le journaliste Ladislas de Hoyos en 1972. En juin 1943, avec la complicité de certains Français, il est vrai, il a arrêté à Caluire Jean Moulin, le président du Conseil national de la Résistance. Jean Moulin, torturé, ne révélera rien avant de mourir dans le wagon qui le conduisait à la gare de triage de Drancy. Je ne connais pas Moulin, sa vie. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. J'ai retrouvé le témoin qui a apporté la preuve de la connaissance subjective par Barbie du sort des Juifs qu'il envoyait à Auschwitz. La décision de non-lieu a été cassée. La photo que nous avons apportée à tous les médias allemands de Barbie 1942 s'est retrouvée dans la presse, la grande presse allemande. Et un Allemand vivant au Pérou, travaillant dans la presse pour le journal de Luis Banquero Rossi, qui était un millionnaire qui avait toute l'industrie du guano entre les mains, eh bien, nous a dit, voilà, un Allemand, un homme d'affaires bolivien, d'origine allemande, qui habitait en Bolivie, est venu s'établir à Lima parce que l'altitude en Bolivie est pas bonne pour sa femme, et il ressemble trait pour trait à Barbie. Et il est entré en relation avec le procureur de Munich. Le procureur de Munich est entré en relation avec nous pour... Et nous sommes entrés en relation avec l'Allemand de Lima qui nous a donné l'identité de Klaus Altman vivant à telle adresse à Lima. Et Beate est partie, elle a obtenu en Allemagne du procureur les preuves de l'identité de Altman et de Barbie, puisqu'ils étaient nés au même endroit, les enfants, ils avaient les mêmes âges, les mêmes prénoms, etc. Et Beate est partie, et à ce moment-là, apprenant que Beate était dans l'avion, Barbie est reparti en Bolivie. Et en Bolivie, où il y avait une dictature, il a fallu attendre. Nous, on a essayé de l'enlever, là également, avec l'aide de Régis Debray et puis d'opposants boliviens. On a échoué, mais 9 ans après, nos amis de l'opposition sont retrouvés au pouvoir, et donc c'est notre ami Gustavo Sanchez Salazar, qui a arrêté Barbie, qui l'a mis dans l'avion, etc. On a monté l'opération avec Debray, qui était, lui, à ce moment-là, conseiller spécial de Mitterrand, et on a pu convaincre Mitterrand de dire amen à cette opération. Et donc tous les organes français nécessaires ont travaillé à cette expulsion. C'était pas une extradition, c'était une expulsion qui était plus ou moins légale, dirons-nous. Voilà. Sur nos bureaux, de très nombreux télégrammes émanant de tous les horizons politiques. Chacun se réjouit de cette victoire sur l'oubli et sur l'impunité, pour reprendre les propos du socialiste Georges Sarr. 25 janvier 1983, l'arrestation de Klaus Barbie fait la une de tous les journaux télévisés, comme celui d'Antenne 2 à l'époque, présenté par Patrick Poivre d'Arvor. Beate Klarsfeld, vous avez l'habitude, avec votre mari Serge, d'exhumer ce genre d'affaires. Alors est-ce que vous pensez que c'est toujours une bonne chose, disons, de réveiller les mémoires qui flanchent ? Je crois que c'est une bonne chose que la lutte que j'ai commencée il y a 11 ans, avec la réouverture du dossier Klaus Barbie à Munich, et puis je l'ai démasqué en Bolivie, je l'ai identifié, il vivait là-bas sous le nom d'Altman. Je crois que c'est une bonne chose parce que cet homme-là s'est jamais repenti. Dans les interviews qu'il avait données à la télévision, à la radio, aux journaux, il s'est félicité d'être toujours qu'il s'est tenu Hitler. Il n'a pas changé d'idée. Je crois que c'est une bonne chose que cet homme-là soit traduit devant la justice aujourd'hui, 40 ans après. C'est un procès symbolique qui montrera le travail de la Gestapo en France. À travers lui, sera donc montré un procès historique. Surtout pour les jeunes aujourd'hui, c'est absolument nécessaire de le montrer. Comment c'était possible que, comme la police politique a pu torturer et tuer les résistants. Mais aussi, c'est très important parce que Barbie a sévi aussi contre les juifs. Alors, Beate Klarsfeld, vous êtes allemande, vous savez la répercussion qu'en Allemagne et en France, ce procès va avoir. Vous pensez que c'est une bonne chose, il ne peut pas y avoir de choc en retour? Certainement pas, et nous avons mené avec mon mari et des amis déportés résistants, des jeunes juifs surtout, nous avons mené en Allemagne le procès contre Lichterhagen et Heinrichsen, et je dois dire que nous avons, à part des juifs qui nous ont fait venir chaque fois avec l'organisation des fils et filles de France, nous avons eu aussi des jeunes allemands dans la salle des séances, et puis je me rappelle toujours du plaidoyer final du juge président du tribunal qui disait écoutez, tourner vers Lichterhagen, Heinrichsen, pour moi c'est difficile aujourd'hui de juger, vu que vous pourrez être mes parents, mon père, mais il faut le faire, c'est aux nouvelles générations de le faire, de condamner les crimes nazis pour que des choses comme ça ne puissent pas se reproduire. Les procès, c'était un processus à la fois médiatique, la pression sur la justice étant, oui, sur le pouvoir politique étant exercée par les médias. Et par les grands scandales qui pouvaient être provoqués par la protection qui était accordée, voilà, à Bousquet ou à Papon. C'était aussi un travail minutieux d'historien. Il fallait établir ce qui s'était passé en France pendant la solution finale. Je l'ai fait avec Vichy Auschwitz et avec le mémorial de la déportation des Juifs de France, avec le calendrier de la persécution. Donc, c'était un long, long travail historique, mais il a été très positif et intéressant, et passionnant même. 4 juillet 1987, Antenne 2, Bernard Rapp. Les jurés de Lyon devaient répondre à 341 questions. Ils ont répondu oui à 340 de ces questions. Reconnaissant Klaus Barbie coupable de 17 crimes contre l'humanité, ils ont répondu non à la dernière question. Pas de circonstances atténuantes pour l'accusé. Je vous demande qu'avis Barbie soit reclus. Les 9 jurés de la cour d'assises du Rhône et les 3 magistrats professionnels ont suivi les réquisitions du procureur général. Aucune circonstance atténuante n'ont été retenues. Barbie finira donc ses jours en prison. Ainsi, on a décidé hier soir, le jury populaire, après 6h30, de délibérer. Le sentiment à l'époque de Serge Klarsfeld à l'issue du verdict. Je crois que la qualité des témoins directs, des victimes directes, a été telle que, si on me permet de le dire, lorsqu'on montrera le film des dépositions, eh bien je crois que ce sera quelque chose peut-être de supérieur à Shoah. À demain. Pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.